haut du monde, je peux en vouloir qu'à moi-même, écrasé par une digitale bien placée, secoué de l'autre côté par une main acharnée. Mon voisin de là, tranquille, je te vois, toi tu n'es pas là à te faire frapper. Je suis la corde bien servie par cette distorsion, il s'acharne sur moi, tout repose sur moi. Ces gouttes de sueur viennent oxyder mon enroulé, ces vibrations font de moi ça. Seule passion sous cette torture, difficile de rester accordé. C'est sans relâche que je me lâche pour donner du son. Mon voisin de là, tranquille, je te vois, toi tu n'es pas là à te faire frapper. Je suis la corde mise bien servie par cette distorsion, il s'acharne sur moi, tout repose sur moi. Mon voisin le là, toi tu n'es pas là à te faire frapper, à te faire frapper. Mon voisin le là, tranquille, je te vois, toi tu n'es pas là à te faire frapper.